du matin. Elle est arrivée avec le docteur qui habite son immeuble. J'avais plus de 40. Le docteur a fait une ordonnance et m'a dit de rester jusqu'à